Tout le monde, bienvenue dans l'émission Conlambi, tous les premiers dimanches de chaque mois consacrés aux musiques jeudi, musiques d'aujourd'hui, donc toutes les musiques actuelles des Antilles et d'ailleurs, on va dire toutes les musiques créoles. À l'instant, vous avez entendu l'introduction d'un tout nouveau projet fait par Cacophonie et Mimi Nelzi. On recevait le mois dernier Cacophonie justement pour nous présenter. Donc c'est un compositeur, beatmaker guadeloupéen qui a remixé l'intégralité de l'album Âme Nouvelle de Mimi Nelzi. Et donc à l'instant c'était Intro du Ca. Et on poursuit toujours en Guadeloupe avec cette fois Akuji et Anno pour le titre Fly. Let me fly. I'm Akuji Anno, le titre Fly, extrait du projet en libre téléchargement Do Not Disturb. N'hésitez pas à vous rendre sur les pages Bandcamp des artistes Akuji pour le projet Do Not Disturb. Et juste avant, c'était Cacophonie Miminelzi pour le remix d'Âme Nouvelle. Et on poursuit dans un autre style avec un tout nouvel inédit de Tiwoni Bon Music avec l'album Diffé Lyrical qui arrive très bientôt. Donc écoutez ça. Pas du tout fait pour le mieux, c'est pas fait pour bon monsieur. Pas du tout rentré en considération philosophique. Depuis fait de la haute entière, il est quand même tout le monde d'accord. Yo, sorti Guada, vivez juste Paris. Passez Trinidad, vivez Miami. Moi la Madeline n'arrivait qu'on a qui. French Guyana, Sénégal, New York City. Billet bon, ma musique, pas des frontières. Entier l'humanité, il y a mes chalets. Même si ni problème, même si ni la guerre. Musique à faire, voyez ouais, mon me. Timoun, yeah, yeah. Pour ça c'est harmonie, vous mettez tout bas, yeah. L'amour pour tout précieux. Pas tellement me va vivre sans ça. Je me dis comment vous la sois là. Je me demande si on m'a accepté à blague qui vont jouer, mais c'est le temps. Pour te calter l'homme, pour te calter femme, prépare pied là. Ça c'est tout le bon opérationnel pour ça. Jouer bon musique le matin, quand le soir, pas dire le jour du pour soigner Jay à tout le peuple là. C'est musical, go up the top. Pour ma boule, go vibe, blue, pas qu'à faire état. Je ne confie l'homme conforme, Goda et Sista. Gangsta et Rasta, ensemble, ensemble, film pas bien là. Obligé de bon Dieu, merci pour toute mélodie, toute harmonie. Obligé de prier, c'est la si pas cette musique, on trouve un deuxième ami. Non, me conforme pas qu'à si c'est gars de son système. Mais si t'as pas de rhythm, le but tel de ma gêne. Pour des fois, pour des peines. Problème, musique c'est l'amour, on nous chasse la haine. Jouez vos musiques le matin, quand le soir, pas d'une heure de rumeur, vous soignez Jay à tout le peuple là. Black or Wilson, c'est musical, we up the top, pour ma boule, nouveau vibe, nous, pas qu'à faire état. Tiwoni, le titre Bon Musique, la bonne musique voyage, et on quitte la Guadeloupe pour se rendre maintenant en Guyane avec le titre Mola Kezot de Dasinga. Mon camion de si modèle, passez pas qu'à ton démo. J'étais bien content, mon tchou, n'est-ce pas, y'a des camions très molles. Mon carreau vu une poussotte, qui roule brand new style. Pas qu'un saïen aïe, comme on dit, y'a dancing a for life. Mon laque est autre, pas comprendre qui m'a lagué. Mon cas travaille non-stop, et pour l'homme au kélagué. Mon n'est pas plus mada, mon n'est pas plus mada, bada, mon cas lagué, tchou, pour French Guyana. Yeah, mon pas j'ai changé, mon cas lagué, tchou, une bad. Des fois plus mada, qu'on s'y mote, Bagdad. Mon toujours gué, même rage, pas mon tchou, n'abouza, mon cas lagué, rouge. J'y son attendant qu'ils entendent les rues. Y'a des BS qui a préparé, ils ont pas même qu'à douter. Même si bête à qu'à prendre, ils ont qu'à mettre en pour goûter. French Guyana, pas garder mon lamo. Qu'à monter deux, trois soldats pour vous savez qui nous l'a. Mon monté mon label et puis je me suis fait la belle. Mais pas comprendre qui la vie a belle. Ennemi a un opinion à elle, body pick up like shell. Y'a signe à crumbling, libella, yeah. Fait 2 minutes, mon rêve, ouais, les faux zombies. Yeah, mais en fin de compte, il me reste les vrais amis. Global, tous les vrais d'ailleurs, c'est le mot qui l'a fait mon. Mon gars, fuck le reste, qui cavale pas les limons, yeah. Ça sortit y'en a dont j'acconnais. Ça se produit Wally, c'est tout le reste des malhonnêtes. J'ai des promos pour marionnettes. Comprendre qui est marré mon tête. Some fuck on it. Si comme Rico dans mes tentes. Tchoun capete yo le yo tout. T'as pour yo savé qui m'ont même mon gars tracé mon la route. Mais je dois gagner ma croûte. Et ça coûte que coûte. J'élimine à coup de lyrique ceux qui me barrent la route. Be yo try the best. Voyez yé best. Sing à mon gars mettez yo en pièce. Et carré les mots d'assing à mon pas qu'à vanter mon gars mon gars. Ben tout moun respect. Mais si yo disrespect. Calme y dit chat singer. Mon lac est autre, pas comprendre qui m'a lagué. Mon cas travaille non-stop, et pour l'homme au kélagué. Mon n'est pas plus mada, mon n'est pas plus mada, bada, mon cas lagué. Tu pour French Guyana, yeah. Yo, Sayal, yeah. Ça y fait. Mon lac, mon cas. Qui m'en est? Tu vas attendre toi encore. Tu m'as fait son gars. Ah, pas gâté pour ça, mais après, c'est un gars, les mots d'assinga. Yo, c'est mieux, tu brilles là. A du return, à du great, à la cachon, c'est quand jamais il gagne, mais il sortit du Cayenne, yeah. French Guyana, oui, d'assinga, c'est. Mon camion de si modèle, passez pas qu'à ton démo. J'étais bien content, mon tchou, n'est-ce pas, y'a des camions très moules. Mon carreau vu une poussotte, qui roule brand new style. Pas qu'un saïen aïe, comme on dit, y'a dancing a for life. Mon lac est autre, pas comprendre qui m'ont lagué. Mon cas travaille non-stop, et pour l'homme au kélagué. Mon n'est pas plus mada, mon n'est pas plus bada, bada, mon cas lagué. Tchou, une coup French Guyana, yeah. différentes générations de reggae dancehall et d'autres musiques encore. On quitte la Guyane, c'est à l'instant Dasinga. On part en Martinique pour un extrait du nouvel album de Skanky. L'album s'appelle C'est la crise. Je vous invite à le découvrir. Un artiste, membre du groupe fondateur Metal Sound et qui explore de nouvelles contrées musicales, on va dire. En tout cas, un retour à certaines sources avec le titre Sakika Vivli. Yeah man, la misère, des pessiers qui capot suivent nous. Mali sav kote bonye aye, mwen pe se cheche, fini pa trouve. Ba deng deng, check le. Sa ki ka vivli konek li wiz a santi. Mwenye lan mize ka manji kon wipi les kwiw. Chak jou kon met la fe, sistem la ka met sa ren. Jeme let fwa fo pa pet pa kite yo fe di wan. Avek sa ki ka vivli konek li wiz a santi. Mwenye lan mize ka manji kon wipi les kwiw. Chak jou kon met la fe, sistem la ka met sa ren. Jeme let fwa kite yo fe di wan avek. Yo de pop fet pou rete pop. Travay pou le riche rete riche. Mais c'est pas yé le spec pour les pauvres qu'on devient devenir riches. Malgré ni qu'à jouer l'auto, cheval s'il est devenu riche. Au travail 700 ans pour créer salaire mensuel en riche. Mais la vie m'a l'air écoute pas si fait pas payer spécialiste. Panique en jouer, retraite lui tellement que santé critique. Celle fiat est malhéré, c'est pas quitter d'être pour les riches. Elle avait pour mettre un bel enterrement l'aïe qu'elle riche, jeune Christ. Ça qui qu'a vu, lui connaître, lui a senti. Mwenye lan mize ka manji kon wipi les kwiw. Chak jou kon met la fe, sistem la ka met sa ren. Jeme let fwa fo pa pet pa kite yo fe di wan. Avek sa ki ka vivli konet li wiz a santi. Mwenye lan mize ka manji kon wipi les kwiw. Chak jou kon met la fe, sistem la ka met sa ren. Jeme let pa kite yo fe di wan. Avek si bon Dieu se yon imaj saj ta mwen se le Dieu des armées. Et di mwen pren de terre. Pour moi, il peut s'aider. Que moi, ni le pouvoir sorti en sommeil, là que moi tombé. Éveillez l'esprit, à qui a fait, dis-moi, y'a un guerrier. Bien, je crois, c'est ça, moi, pour qu'on David, moi, fait Goliath tomber. Pas tromper, quand dit ennemi, ni laisser l'ennemi tromper. Mais manier, y'a trois jours, de tu en plein, qui relève. Victoire là, nos pères remportés. Ça qui a vu, lui connaître, lui, ça senti. Manier, l'homme, il sait qu'à manger, qu'on est pile l'esprit. Chaque jour, quand mettre la fête. Système là qu'à mettre sa reine. Dieu mérite trois fois, pas pète pas quitter au fait. Diwan avec sa qui qu'a vivre, lui connaître, lui, il a senti. Manier la misère qu'à manger, corps et puis l'esprit. Chaque jour, quand mettre la fête. Système là qu'à mettre sa reine. Dieu mérite pas quitter au fait. Diwan avec. Kassam pour nos soleils, pas les briller. Pourtant, déjà savent combien nous a essayé. Nous pas qu'à abandonner. J'aime nous pas qu'elle la dié. Kassam pour nos soleils, pas j'en briller. Pourtant, déjà savent combien nous a essayé. Nous pas qu'elle abandonner. J'aime nous pas qu'elle la dié. Je dis chez Marie, c'est pour la vie. C'est ça qu'on toujours dit, c'est ça qu'on va croire. Nous ne pas douter, nous pas garder l'espoir, nous savons comment. Victoire là, nos pères remportés. Ça qui a vivre, connaître, les rues a senti. Skanky. La misère peut manger ton corps et ton esprit. Le titre, Sakika Vivli. L'album, c'est la crise. Allez écouter ça. On continue toujours en Martinique avec un excellent album fait par Monsieur Baron Black, artiste reggae, mais qui a voulu rendre hommage à la tradition, sa tradition, tradition moins. Et on écoute le titre, Aïen pas changé. Vider l'église pour évangéliser. Tout côté yo passé, tout côté yo tépé. Manipuler les fonds d'état, juste en poche au pété. L'argent qu'a dominé, à dans toute société. À dans toute société. Mais si vous tenez en masse au terre pour payer planté, même si. C'est qu'à point faire. Et pas tes ni pièces commandées pour exploiter. Mais dommage, bon Dieu pas couleur, rien pas j'ai changé depuis là yo commencé. Exploiter nous depuis si longtemps, yo trouvé nous t'es bien résistant, en l'eau qu'à profiter parce que yo rimatché. L'un homme ni foi bon Dieu, ça plus facile j'aime en captivité. Pendant longtemps, bien trop longtemps, autres a bien joué avec manipuler peuple là. Belle est arrivée, vous autres fini exploité. Exode oui mettez à messieurs souple. Oui mettez à, oui mettez à, oui mettez à. Peuple a pu manger. Oui, metteya. Oui, metteya. Oui, metteya. Pour peuple a prospéré. Aïe, pas j'ai changé. Depuis là, yo commencé. Exploitez nous depuis si longtemps. Yo trouvé nous t'es bien résistant. En l'eau qu'a profité. Parce que yo rimatché. L'un homme dit foi, bon Dieu, ça plus facile, j'ai bien en captivité. Back. Oh. Nous étions partis sur les rythmes de la Guadeloupe avec le gros cas d'Inès Caï, Menez-moi aller, extrait de l'album Amazon là. Mais on va faire un petit flashback. On va même retourner en 1998 pour un album qui est sorti en 2012, mais qui a été composé, écrit en 1998. Et c'est un cadeau de Star J qui nous offre cet album en téléchargement gratuit. Donc allez chercher ça, Star J et Tismé pour le titre Planète. Yo, en cabine de l'univers, sans cet immune à monde qui fait chimère dans les étoiles. Yo, planté non, moyen la boue. En force persévérance, en fait yon nouvelle en mou. À la nati, on voit la vie jaillit qu'on geyser. En bas yo de l'eau pour yo rafraîchir. Yo t'es content quand immune à bas la pluie. En fait yo voit les miens en bas soleil. Tellement péripétie, enfaibli. Moi qui pète la foi, mais on savent. En café yon nouvelle. Allah Akba, en vrai, premier l'arrivée, nous boutis les jambes. Passe une chance et puis intelligence, qu'a fait gomme. Oh, à la nati, mais à toute victime. Méchance qu'a fini, on joue à force négligence. Et joue la sac, elle a toujours qu'à garder yo agonisé. Souvent, ou qu'a fait mal, vraiment mal, ça qu'a fait mal. Ne vois que les gens ont qualité pour comprendre, ouais. Pas sous jaloux, ouais. T'es rien, c'est moi qui fais, ouais, c'est papa, c'est maman. Béqué, je la sport, différents avertissements. La vie, c'est un cadeau, fort droit, la vie, c'est fini, grand. Passe au panier, force, dis merci, merci, bon Dieu, de bon force là. Qu'en y, qu'en besoin, vous portez yo à les épaules. Drôle de vie, qu'en y, depuis des siècles, ma casse songé. Foutez yo à terre, mais yo qu'a chèvé, fais force, tout vent, planétaire. Planète. Planète. Hey yo, planète. Ça qu'a fait Vélanie en baki. Si ça yo qu'a crié planétaire. L'esprit en même maki. Pas même ça pour la écaille. L'un des milliards pas aïe un bail. Il y a milliards non hésité d'aille. J'avoue ça qui bon gros ça qui mauvais. L'homme ou qu'on lague. Pied l'habitude nous fait balague. Il s'a qu'à détruire mes natifs compagnes. Qu'à permettre yo pété bombe. C'est l'humanité qui finit dans un tombe. Qui pète chivé, mais ça j'arrive. Qui est dégué, ça y capoté. Les mêmes qui rété, qui continue tourner qu'on dix. Qui prend un pour vous faites qu'on phénix. En passant qui j'en y met nous si. Pour combien de temps nous si encore. Ce moment là aussi, ça vous dit pour battre fort. On paquet moon, si on planète full. Eve mal et douleur. Problème à religion, à l'argent, problème à couler. Koumélite et profité. Bah j'ai oublié ça où y est, ou là où sorti. Si c'est le monnaie, influence l'avenir. Direction boule qu'avance en l'espace sans chauffer. Nous devons être maîtres dans petit bonheur, nous pas pour trop faire. Planète T, Star G, l'album 1998 qui sort en 2012. Et on continue avec une des excellentes sorties de cette année. L'artiste s'appelle Admiral T, le titre Pays la Malade. Yeah. Some of them are salty. Reality scene. Ha! Nous jalousons entre nous, mais pas mon plaie pas admettre. Jalousie, c'est une maladie. Boum! Sa clarinette, 90% à peuple a contaminé. C'est que là, l'esclavage qu'elle nous quatre né. Mais les gants sont deux. Si vite, y'en va qu'à marcher, c'est pas ça notre la qu'à marcher. Qui fait que voilà, on vit bien fort, on vit caché. Petit à esclave, nous n'y assez. On nous pète des chaînes. Boum! Ha! Paye la malade, paye la malade. Ah yeah! Jalousie, quand tu nous pitié, y'a pitié, c'est un problème. Tout le monde garde, y'a pas yo, que c'est l'autre là. Pays la malade, y'a squad à la malade. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. C'est le docteur qui peut guérir maladie, y'a nous, c'est nous-mêmes. Tout le monde garde, listen. Nous qu'a parlé de tout le monde, mais on nous parle de nous. Quand c'est que nous aimons nous, mais quand mettre bâton en haut, on nous expose les problèmes à nous. Parler sans mettre l'eau en du vin à nous. Mais les gars sont d'une. Combien fois où j'ai demandé mal, pas voisin à vous. Combien fois où j'ai maudit foyer, ou pas signé plus sous qui. Veuillez petit, avoir-ti, neuf, couler entreprise, pas c'est liquide, chef, non, yeah. Nous n'y mal, nous qu'a voué sans ménager un bonnet. Okay, nous qu'a fait sorcier, même en famille nous pas ni bon pitié. Reality that man. Mais y'a qui m'a, nous qu'a exprimé l'amour, nous n'y a qu'à. Nous aimons, nous mec à jaloux, nous. Nous pas qu'à j'en guéris, nous pas admettre. Que nous toutes malades. si ka jwenn nou piti a piti se yon dilemme. Tout moun gati a pa yo ke se lòm la. Peyi la malad, wè kwa da da malad. Oh yeah yeah yeah yeah yeah. Sèl dokte ki pe geri maladi an nou se nou mèm. Tout moun keti, keti, keti, keti. Sa mè de gosa boum. Peyi la bel mè se mentalite la ki pa bon. Tout moun ka mal valè, tout moun lè lan de mè gati yo bonjo. Sa ki ni potansyèl obije voyaje. Yo gati ou pa ni mwayen fè a yen an peyi la sa non apaje. Syrien, Libanais, et puis c'est tiens, cabayon en main. Pourquoi c'est toujours la guerre entre nous, n'est Guadeloupéen? Monsieur ni l'argent, donc ou pas gonfler fac, si consiste ça qui caille, rend vous plus riche. Nous ni mal, nous pas fait sans minage et un bonnet. Nous qu'a fait sorcier, même en famille, nous pas ni bon pitié. Reality d'art, mais y'a qui moment, nous qu'a exprimé l'amour, nous n'y a qu'un. Nous aimons, nous mettons jaloux, nous. Nous bagayons, j'en guéris, souvent nous pas admettre que nous toutes malades, pays la malade, oh yeah. Jalousie qu'a tué nous, pitié à pitié, c'est un dilemme. Tout le monde garde, y'a pas yo que c'est l'homme là. Pays la malade, ouais, quoi da da malade, oh yeah yeah yeah yeah yeah yeah. C'est le docteur qui peut guérir maladie, en nous c'est nous-mêmes. Que dit, eh? Ça m'a les gars, ça. Jalousie, jalousie, jalousie, jalousie, café, rafa, joué, gué, dit. Tout le monde contaminé, ça, puis au qui l'a racheté. Tout le monde raille, tout le monde jaloux, tout le monde, c'est dommage. Y'a des gars, des gars, j'en m'en cagou, mais battez, bah, héritage. Ça m'a commandé, c'est plus là, mon plus partage. Arrêtez, gros, mais contre pitbull, qui fait meilleur dans cage, yeah. On nous soutient, nous, on nous tourne la page. L'aile arrivée pour nous péter, chaîne mandale. C'était Admiralty, le titre. Pays la malade, le pays est malade, mais aujourd'hui, dans Musique Jeudi, on montre aussi que le pays tient grâce à certaines fondations et que les musiques d'hier peuvent aussi devenir musique d'aujourd'hui. Donc on va changer un peu de style, on va retourner en Martinique et je vous laisse découvrir un peu ce qui va arriver. Pierre Dru, membre fondateur, il me semble, de l'association AM4 Mimes Mama et Martinique. Nous avons eu l'opportunité, Conlambi, de rencontrer ce monsieur et de l'interroger en fait sur toute la culture Bélé, Damié Kalenda Bélé. Et on parle ici des musiques, danses, culture traditionnelles de la Martinique et on va faire un pont entre ces musiques né hier mais toujours d'actualité, qui connaissent un certain regain d'actualité. Donc on va écouter un peu cet échange que nous avons eu avec monsieur Pierre Dru et les thèmes qu'on a pu aborder, c'est par exemple le regard qu'il portait sur le phénomène actuel de regain d'intérêt qu'on voit un peu pour le Bélé en Martinique et également sur Paris, où à la différence du gros cas, le Bélé a longtemps été réservé aux initiés. Donc nous lui avons demandé quel était le regard qu'il portait sur ce phénomène. Vous savez, c'est inévitable. Quand quelque chose de nouveau apparaît et se développe, il y a ceux qui le créent. C'est pas que le Bélé soit nouveau, le Bélé est assez ancien chez nous. Mais quelque part, il y a un travail qui a été fait pour le revaloriser et pour lui permettre de sortir du ghetto dans lequel on l'avait enfermé. Et quand je parle du Bélé, je parle du Damié Kalenda Bélé. Le Bélé, il a été, dans la tradition ancienne, une des calendas de la Martinique. Bon, en tout cas, c'est tout à fait normal au départ. Quelque chose apparaît. Les gens qui le faisaient avant, qui le cherchaient à le tirer de l'ornière, ont été disqualifiés, ont été attaqués, vilipendés, comme on dit. Mais maintenant qu'il a fait son chemin, qu'il continue, on peut voir justement d'autres choses qui sont liées au développement d'un mouvement. Par exemple, plus un mouvement s'étend, plus il a tendance à perdre les qualités ou bien les sources ou bien les dimensions qui peuvent être liées à sa naissance. Donc c'est inévitable que ceci apparaisse. L'essentiel dans le mouvement, c'est qu'il faut travailler à ce que ceci puisse s'étendre, mais qu'on garde toujours l'orientation de ce que nous sommes dedans. Ça veut dire, et qu'on garde toujours cette dimension identitaire qui est à la base du ballet. Voilà, ce qui est différent un petit peu du folklorisme, parce qu'un des aspects du folklorisme, c'est d'avoir dénaturé la tradition sous toutes ses formes. Et si nous développons ceci, c'est pas pour permettre, et c'est la capacité de récupération du système actuel, hein. Vous devenez vedette, donc vous récupérez, vous étudiez très peu, vous ne posez pas les véritables problèmes, ça peut être dangereux. Et on parle souvent du ballet de façon uniforme. Quelle description faire des différentes formes que le ballet prend en Martinique? Tout dépend là où vous allez. Quand c'est la région samaritaine, un tambour, un tibois, d'abord un chanteur, la voix derrière, un tambour, un tibois. Si vous prenez le ballet de Basse-Pointe, toujours pareil, un chanteur, plutôt homme, mais il y a des femmes. Il y a des femmes qui ont chanté. Il y a beaucoup de femmes qui ont chanté avant. Et puis, un tambour, ce qu'on a déjà dit, c'est la même chose. Par contre, il y a une différence. La façon de battre le tambour et les formes de la danse diffèrent. Si vous descendez dans le sud, ou plus sur la côte Caraïbe, vous avez une musique pour le ballet qui se fait à deux tambours. Pour les calendas, un tambour qui assume le rythme de base du ballet et un autre tambour qui fait ce qu'on appelle tambour goku, mais qui suit le danseur. Voilà. Donc, ces deux tambours-là, sans tibois, et avec principalement une femme qui chante. Ça fait partie du ballet du sud de la Martinique que nous avons trouvé aux Anses d'Arlée, mais qui a existé aux Trois-Îlets, au Diamant, à Rivière-Salée, un petit peu au Saint-Esprit, à Rivière-Pilote. Ça existait aussi au François, au Marin, au Vauclin. Il avait un autre nom, il était appelé musique Djouba. Ça, c'est pour les danses belles. Mais pour celles qui sont ce qu'on appelle les calendas, la musique calenda à Sainte-Marie se fait avec un tambour, un tibois, un chanteur et la voix, ce qu'on connaît. Le chanteur entrant le premier avec la voix derrière. La musique calenda se fait dans le sud de la Martinique avec trois tambours. Un tambour qui fait la basse, un tambour qui fait, comme on dit en créole, qui a foulé et qui accompagne. Et puis un tambour qui suit le danseur et qui travaille un petit peu sur les mêmes bases que le tambour chouvalbois. La calenda du sud de la Martinique est très proche du kaseko guyanais. Le kaseko, je l'ai vu assez pour savoir qu'il s'apparente à la calenda du sud qu'on a appelée du sud de la Martinique. Mais cette calenda n'a pas seulement existé dans le sud. Elle a existé dans d'autres endroits. C'est difficile, je ne veux pas avoir d'histoire avec les anciens. Mais elle a existé dans presque toute la Martinique. Elle s'est réfugiée dans les balgamoun, qui se jouent parfois avec des tambours, dits basses. Elle s'est réfugiée dans ce qu'on pourrait appeler certains chants et danser la ligne clé. Parce qu'on connaît Venezuela, on connaît Mabello, mais par exemple, dans ce qu'on pourrait appeler les Béceba, le danser Béceba dans ses formes de jeu, c'est des danses qui proviennent de la calenda. Donc, ils sont présents. Et dans les balgamoun, ils sont présents. L'échange a ensuite porté sur les traces du ballet dans les musiques comme la biguine ou le zouk. Si on devait comparer la biguine avec le ballet, ce serait plus ce qu'on appelle ballet ou biguine ballet. Mais c'est pour ça que j'ai fait référence à la calenda tout à l'heure. La biguine elle-même descend d'une calenda. Descend des calendas, mais particulièrement d'une calenda. celle que Jacqueline Rosemey a appelée la Calenda de la mort, qu'on appelle de notre nom dans les îles espagnoles, la Chica, entre autres. Et c'est une Calenda où, au départ, les bras peuvent être en croix ou en chandelier, le buste est raide et seuls les reins travaillent, dansent dans le pas de Begin. Ensuite, cette Calenda s'anime et elle donne tout ce qu'on a appelé la Calenda du Sud et qui est extraordinaire comme danse. Et qui est une des danses que l'on retrouve dans les traditions du peuple Congo. Entre autres, pas seulement la main, des différents peuples Congo. Donc voilà un petit peu l'origine de la Begin. Maintenant, est-ce que le zouk a du belay en lui? C'est quelque chose de différent hein, que le belay, quand on prend le belay au tambour. Il y a des chèmes qui se retrouvent, parce que les grandes multinationales de la musique et du son aiment bien, quand ils composent leur musique, mettre ce qu'on appelle certains chèmes, et notamment certains chèmes que l'on retrouve dans le tibois, qui sont les battements du cœur. Doum, doum, doum, doum, bon. On les retrouve dans le zouk un peu. Donc c'est tout, mais je vois pas, à part ça, avec le chambelé, c'est quelque chose d'un peu différent. Entre ouverture du belay et conservation des traditions, quelle approche favoriser? Votre question est difficile, monsieur. Elle n'est pas facile à répondre. Pourquoi? Parce que vous avez une tendance qui est mondiale, qui tend à uniformiser les cultures. En créant une culture nouvelle hein, qui s'expansie à travers les boîtes de nuit, à travers les médias et qui va regrouper les schèmes musicaux de toutes les cultures du monde parce que le marché est devenu mondial et qui va enlever un petit peu ce qu'on pourrait appeler le sens de la tradition. Donc vous avez aussi une pratique, si on peut prendre la pratique du dancehall, qui fait un peu la même chose du côté de la danse. Bon, donc il y aura toujours des variantes, des choses qui vont naître, mais vous avez une tendance à l'uniformisation de la culture. De notre côté, c'est par rapport à cette tendance que la notion aussi d'identité apparaît et qu'il y a des difficultés à la perdre. Comment tout ceci va évoluer et va se résoudre politiquement, organisationnellement, culturellement? J'ai envie de vous dire que nul ne peut le dire maintenant, mais ça évolue dans ces rapports de force-là. Il faut faire attention, en tant que membre de la M4, je crois que la M4 en est conscient. Il ne faut pas s'appuyer sur un passé. Le passé est ce qu'il a été. Nous prenons ce que nous pouvons prendre et ce que les anciens nous donnent. Mais il faut travailler à ce que... Est-ce que ce mouvement est irréversible? J'ai presque envie de vous dire que le développement économique le rend comme tel, à moins que la civilisation puisse finir dans quelque chose qui pourrait être très délicat pour la planète. Ça veut dire ce que certaines tendances écologistes prévoient. Et là, ce serait vraiment difficile, mais j'essaie de faire confiance à la vie et à l'humanité. Donc je crois qu'il faut, à travers l'identité, à travers le processus culturel, préserver notre identité et lui permettre de s'adapter sous les formes qu'il pourra choisir dans les conditions à venir. Voilà ce que je peux dire. C'est un tracé général. Que ça prenne la forme de la tradition culturelle, qu'on le retrouve dans d'autres musiques ou qu'on le retrouve dans des musiques que nous allons élaborer, qu'on le retrouve... Vous savez, par exemple, les Africains ont préservé cet art chez eux dans le négo spirituel, dans le chant de blues. Voilà une forme qui n'avait pas été prévue, mais qui a existé. Donc, qu'on le retrouve comme ça après, peu importe, c'est ce que nous en ferons et ce que nous pourrons faire. L'essentiel étant de travailler à sa préservation. Troisièmement, il faut faire attention dans ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire martiniquais et l'identité. Il faut faire attention à ce qu'on cherche à préserver. Est-ce que le belay va se préserver sous ses formes? Je ne sais pas, mais nous avons tout fait pour essayer de le faire. Maintenant, est-ce qu'il prendra d'autres formes? Sûrement. Est-ce qu'il va exister de manière différente sur moi? Est-ce qu'il va épouser d'autres formes de musique aussi le reste? C'est inévitable. Le Belès est en manière vive une culture attachée à ses codes et traditions. Quel regard porter sur les volontés d'évolution comme l'ajout d'instruments par rapport à la forme basique tambour-tibois et le mélange avec d'autres musiques comme les musiques électroniques ou autres? Pour moi, c'est inévitable et ça continuera à se faire. Et plus la musique Belès sera étudiée, approfondie, décortiquée, plus on trouvera des formes nouvelles, plus actuelles, qui permettront de faire connaître cette musique et de la développer. L'essentiel, c'est de se réconcilier avec ce que cette musique produit. C'est ça l'essentiel. Et il n'est pas évident, dans ce qu'on appelle l'histoire du ghetto qui s'est formé en Martinique, dans le ghetto de l'esclavage, que nous ayons conscience de tout ce que nous avons pu préserver, parce que nous avons préservé des choses, que nous ayons donc cette conscience. Et c'est ça la difficulté. Donc on verra ce qu'on pourra. Peut-être que ça va se mélanger avec d'autres formes. Je ne peux pas dire, monsieur. Comme on dit, c'est pas moi qui mette la vie. Mais je peux dire qu'il faudra, quelque part, que quand on fait ce travail, ça vous grandit. Ça vous grandit dans vos connaissances. Ça vous grandit humainement. Ça vous grandit moralement. Ça vous grandit spirituellement. Moi, je souhaite aux Martiniquais d'épouser ce travail et de le faire sous quelque forme qu'il puisse. Voilà. Nous lui avons ensuite demandé s'il portait une attention particulière à ce qu'écoutent les jeunes aujourd'hui. Alors, j'écoute en Martinique, les jeunes aiment beaucoup des musiques. C'est un aspect de notre mentalité ou des conséquences de l'esclavage. Ce que nous faisions n'avait pas de valeur, n'avait rien de bon. Et puis, il y a le matraquage des médias. Les jeunes sont très à l'écoute du reggae et surtout du raga, du dancehall jamaïcain. Et en fait, toutes ces dimensions ont été envahies, notamment par ce qu'on appelle la mafia et sa présence dans la musique. Bon, et parfois on glorifie ce qui est zebla, l'herbe. Parfois, la femme est montrée, comment dirais-je, plutôt dans sa dimension objet sexuel. J'apprécie une femme, j'ai apprécié les femmes, mais j'apprécie une femme maintenant. Et peut-être même, je suis sensible à beaucoup de femmes de toute race, mais cette façon de prendre l'image de la femme, de la mettre, de la chosifier et de l'utiliser à des fins d'argent, je trouve ça réducteur pour la dimension humaine. Donc parfois ça m'écœure parce qu'il y a des choses qui sont vraiment graves, qui se font. Et si nous devons donner une référence à nos enfants, ce n'est pas à celle-là que je penserai. Donc il faut faire attention. Je crois aussi que la femme a une dimension très importante à apporter à notre musique. Beaucoup de femmes dansent le Belès. Beaucoup de femmes qu'on commence à chanter, recommencent à chanter parce qu'elles chantaient avant beaucoup. Je pense que beaucoup de femmes vont composer aussi et vont permettre à cette musique de se développer. En quoi le Belès est-il une musique et une culture de résistance? La culture Belès, pour les Martiniquais, est un point qui les ramène à l'histoire des Martiniquais, leur identité. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est un point de résistance. Qu'on le veuille ou pas, c'est fondamental, mais il faut faire attention. Le monde économique dans lequel nous vivons est un monde planétaire, international. La Martinique doit exister, mais elle ne doit pas exister pour se replier sur elle-même, mais pour s'ouvrir à ce monde et porter sa contribution en tant que Martiniquais. Les Martiniquais devront faire très attention à faire valoir leur identité, leur nationalité, travailler à valoriser leur culture, leur manière de vivre, parce que il n'y a pas dans la culture, il y a la danse, il y a la musique, mais vous savez, regardez maintenant, il y a les courses de yole, les courses de gommier. Il n'y a pas que ça, il y a les chantés Noël, il y a des gens qui découvrent les chantés Noël, qui sont étonnés chez nous que ça puisse exister. Il y a la cuisine, il y a autre chose, donc Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut toujours garder ce devoir de, au niveau de notre culture, de la partager avec le reste du monde. Comme nous devons respecter, honorer tout ce qu'il y a de positif dans toutes les cultures du monde. On aime ou on n'aime pas, mais il faut le faire. Donc, si nous posons la question de l'identité, ce n'est pas pour aller en arrière, mais c'est pour aller en avant et pour contribuer à une culture universelle, à une culture planétaire, et pour en être fier, comme de la même façon que nous l'avons reçu à un moment donné. Les Martiniquais n'ont jamais refusé de donner, sauf quand ils ont vu que ça permettait de les exploiter. Bon, voilà ce que je peux dire sur cette dimension, sur cet aspect des choses. Et pour moi, l'identité est quelque chose de nécessaire à l'heure actuelle. C'est quelque chose sur lequel il faut se battre. Quand je dis se battre, travailler inlassablement, donner, partager, être vigilant par rapport à ce qui vient, comme il vient. Mais de toute façon, ce travail-là, quand on le regarde en profondeur, et c'est mon point de vue, je le donne, il met en avant profondément la dimension humaine de l'homme. Ça veut dire que quand on regarde le travail sur le bel air, il permet à un homme martiniquais de se sentir homme. La philosophie qui est dans les chants, qui est dans les danses, est une philosophie même très élevée, connue dans les cercles philosophiques et dans les cercles d'apprentissage, qui se discute au niveau international. Nous n'avons rien à envier à personne. Donc ça nous met dans une dimension de l'homme qui n'est pas seulement nationale, mais qui est internationale, qui est planétaire. Je vais dire ça comme ça. Il y a un monsieur dont je tirais le nom là, qui me disait, Pierre, quand tu chantes le Bélia, tu dis, qu'est-ce que tu dis qui est le plus important pour toi? Je dis, je lui donne tout ça. Jésus me dit, non, ce qui est important, c'est Bélia, nous toutes ses frères et sœurs. Et sur ça, le monsieur m'a donné une explication extraordinaire. Je vais clore là, mais qui met en avant cet aspect des choses. Voilà. Et ça qui est tracé. Oui, ça qui trace, maman, là, ça nous trace, aïe, aïe, aïe. Il y a, ça qui trace. Oui, ça qui trace, maman, là, ça nous trace, aïe, aïe, aïe. Il y a, ça qui trace. Aïe, ça nous trace, c'est pas nous qui commence, maman, là. Il y a, ça qui trace. Aïe, ça qui trace, c'est pas nous qui finit, maman, là. Il y a, ça qui trace. Mais tant qu'à les mamans là, nous qu'à tracer, aïe, aïe, aïe. Bélia, ça qui tracé. Mais tant qu'à les mamans là, nous qu'à rouler, aïe, aïe, aïe. Bélia, ça qui tracé. Aïe, nous qu'à marcher en traçant, déjà tracé en maille là. Bélia, ça qui tracé. Oui, nous qu'à tracer en traçant, qui pour connaître en maille là. Bélia, ça qui tracé. Ça nous tracé d'après moi. Nous remercions Pierre Dru pour cet échange très intéressant, de grande qualité. Et nous préciserons plusieurs choses, notamment que l'interview que vous avez entendue était principalement axée sur la musique, puisque c'est la thématique de cette émission dans Conelambi, Musique Jeudi. Mais que vous pourrez revenir la semaine prochaine, puisque Conelambi revient chaque dimanche, pas forcément consacré aux musiques. Mais la semaine prochaine, ce sera toujours une interview avec Pierre Dru, mais cette fois beaucoup plus large. Donc nous vous invitons à revenir écouter. Nous rappelons que Pierre Dru fait partie de l'association AM4, donc fondatrice pour tout ce qui est de la recherche, de la formation, de la diffusion de la culture bélé en Martinique et ailleurs. Et donc voilà, c'était l'émission Musique Jeudi. N'hésitez pas à aller sur le site de la M4, am4.fr, pour davantage d'informations, notamment sur des nouveaux ouvrages qui sont parus. Et l'émission Conelambi continue avec le volet Haïti. Et vous me retrouverez donc dans un mois pour la prochaine spéciale Musique Jeudi. Nous dansons. d'après moi.